oublier mes promesses. La force qui brise mes chaînes, le sang qui coule dans mes veines. T'es la raison de mon existence, la définition de l'innocence, mon ange de bienveillance. Plus qu'une chance, plus qu'un espoir, t'es ma mélodie, la couleur de ma vie, la douceur de mes nuits, Limba. Mon bébé m'appelle la grande joueuse. Faudra me doter d'un grand dossard. Abed m'a dit que t'es bloqué par des cadenas. Tu ne peux pas sortir tant qu'ils ne sont pas encore ouverts. Malgré tout ce qui est caché dans mon cœur, Sonia Pembe, laisse-moi le temps de te dire tu es mon amour. On y va. Tu es mon amour. Laisse-moi le temps de te dire tu es mon amour. Laisse-moi le temps. Contarte mi amore, dame tiempo para contarte mi amore, dame tiempo para contarte mi amore. Moi femme africaine, femme congolaise, ce soir Wata dans classique Africa. Cynthia Wadol, maman est Africa. Ah, la patronne Géraldine Turban, Christelle Turban. Honorable Didas Pembe. Lumière à ma souci, nana et koma, ténèbres. Pour na douceur, y'a voix na yon mélancolique. Épée sans la genre à bas effet alcoolique. Moto statique, love et commis, ça y est dynamique. A jour, t'as la n'engue, bah stress et bête canon. Pour sourire na yon fini, tout au boli ballon d'Hernando. Zoto amico, et botel et l'homme y souni. Pour ta présence, je t'aurais donné mon royaume, mon bébé. Abed Achour, pour que tu sois le roi de mon cœur. Abed Achour, Abed Achour, les patrons pour gosse. Patrick Bologna, Monterrey Bonisseo, et Elinguiseo. T'es mon choix irrévocable. Cisco Moulango Beka. Abed Achour, Abed Achour, les patrons pour gosse. Trésor, Monterrey Bonisseo, et Elinguiseo. Maître Gabriel Issa.